projection qui lui permet de détruire constamment les formes intérieures ou les formes extérieures. Mais si tu n'y vis pas de l'extérieur de ton intérieur et que tu vis simplement de ton intérieur, à ce moment-là, tu couvres ton intérieur et éventuellement ton intérieur se reflète sur son intérieur, sur ton extérieur, et tu as une disposition plutôt spirituelle, une disposition sympathique, whatever, mais tu n'as pas une disposition créative. Pour que l'homme soit sûr d'être sûr, il faut qu'il vive de l'intérieur de son extérieur. De l'extérieur de son intérieur. Pour qu'il soit sûr, il faut qu'il vive de son intérieur. Pour qu'il soit sûr d'être sûr, il faut qu'il vive de l'extérieur de l'intérieur. Puis pour qu'il manque totalement de sécurité, mais il faut qu'il vive de l'extérieur, simplement. Là, je suis mêlé, Bernard. Moi aussi, c'est tellement d'intérieur, d'extérieur. OK. Je dis que l'homme inconscient, là, l'homme dans la rue, là, l'homme inconscient, il vit de l'extérieur. Le monde extérieur qui a de couleur, si tu veux. L'homme qui se spiritualise, qui se conscientise un petit peu, il vit de l'intérieur plus que de l'extérieur. L'extérieur, c'est qu'un support pour l'intérieur, mais c'est réellement au niveau de l'intérieur qu'il vit. Et l'homme supramental vit de l'extérieur de son intérieur. C'est-à-dire, il vit dans l'intelligence du rayon constamment et il transpose l'intelligence du rayon dans son intérieur, qui est un canal, pour l'amener à l'extérieur si ça fait partie de sa vie. De sorte que l'homme conscientisé, l'homme supramental, n'est jamais impliqué avec lui-même parce qu'il vit de l'extérieur de son intérieur. Et les gens spirituels, les gens inconscients sont impliqués avec eux-mêmes, ce qui les amène à la recherche, et ainsi de suite, parce qu'ils vivent de l'intérieur d'eux-mêmes. Et on fait l'erreur de vivre de l'intérieur de soi-même, et ça ne nous a jamais été expliqué qu'on ne doit jamais vivre de l'intérieur de soi-même, mais qu'on doit vivre de l'extérieur de l'intérieur pour canaliser la vibration du rayon, pour faire grandir le pouvoir créatif en soi, afin que l'intérieur devienne un canal pour mouver vers l'extérieur l'intelligence du rayon. Sans ça, si tu vis de l'intérieur, simplement, tu vas garder en toi certaines sensations, certaines perceptions, mais tu n'auras jamais le pouvoir de les extérioriser, ces perceptions et ces sensations-là. Et si tu le fais, tu le ferais mal parce que tu n'as pas la puissance vibratoire du rayon qui te permet d'organiser ton intérieur d'une façon totalement transitoire. Non. Totalement quoi? Ils disent totalement parfaite. Totalement parfaite, ça veut dire totalement non attaché ou racolé à ta personnalité. Bon, je me sers comme modèle, là. Moi, si je vivais de mon intérieur, je sentirais ou je croirais ou j'aurais la sensation d'être un grand homme. Ouais, c'est ça le danger de vivre de l'intérieur. Mais comme je vis de l'extérieur à mon intérieur, j'ai pas l'impression d'être un grand homme. J'ai simplement l'impression d'être un être créatif. Dire qu'on rattache ça à notre ego. Automatique. Automatique, automatique, automatique, automatique. Si tu vis de l'intérieur, tu rattaches ça à ton ego. Automatiquement, tu as de l'orgueil spirituel. Comme si tu vis de l'extérieur, tu perds de l'orgueil intellectuel. Voilà, tu vas-y. Et pour détruire ça, il faut s'habituer à ne pas s'intéresser à ce que l'on est quand on se manifeste, même si c'est un petit peu. Si t'es un petit peu intelligent, faut que tu t'habitues à ne pas t'intéresser à ça. Si t'es un petit peu plus intelligent, faut que tu t'habitues, puis c'est dur, parce que l'ego est là, qui watch. C'est dur. Puis ça te fend l'arrière, puis ça te fâche. Puis tu dis, maudit, quand est-ce que je vais être détaché de moi-même. Alors, vous devenez de plus en plus détaché de vous-même au fur et à mesure que vous apprenez à vivre de l'extérieur de votre intérieur, c'est-à-dire à ne rattacher aucune valeur à votre intérieur. Et aussitôt que vous attachez une valeur à votre intérieur, vous êtes foutu. Vous allez vivre la vibration émotive et mentale de votre intérieur et elle va coller à votre personnalité. Et vous allez la trouver lourde et lourde parce que vous vous sensibilisez de plus en plus à vous-même. Mais le vous-même auquel vous vous sensibilisez, c'est pas le vous-même intérieur. C'est l'autre vous-même qui est extérieur à votre intérieur, mais qui est extrêmement près de lui. Le grand moi? J'aime pas ça, le grand moi. Parce que le grand moi fait partie de la recherche du corps de désir de l'intérieur qui veut se trouver. Quand tu vis de l'extérieur de ton intérieur, t'es pas intéressé à ton grand moi parce que tous tes principes sont intégrés. Quand tu vis intérieurement, t'es intéressé à trouver ton grand moi parce que tes principes sont pas tout intégrés. Alors automatiquement, tu vis de l'intérieur. Mais quand tu vis de l'intérieur, t'es pas intéressé à ton grand moi parce que tu n'es pas intéressé à rien. La qualité de l'homme qui vit de l'extérieur à l'intérieur, c'est celle-ci, c'est qu'il est pas intéressé à rien. Il est pas intéressé à ce qui... Il est pas intéressé à rien. C'est pas pareil. Si tu me dis de dire quelque chose sur le fait que tu dis que je suis pas intéressé à ce que je dis, je peux pas dire que je suis pas intéressé à ce que je dis parce que si je disais que je suis pas intéressé à ce que je dis, je dirais que je suis pas intéressé à la qualité de la vibration de ce que je émets. Et ce n'est pas le cas parce que je suis intéressé à la qualité de la vibration de ce que j'émets parce que ce que j'émets me plaît, c'est-à-dire fait vibrer mes corps intérieurs. Sans ça, j'aurais pas d'énergie pour parler. Je dirais, j'ai pas le goût de parler à soi. Quand j'ai pas le goût de parler, là, je suis pas intéressé à ce que je dis. Alors, automatiquement, j'arrête de parler. Mais si je parle, et si je vibre de la vibration qui est extérieure à mon intérieur, automatiquement, je suis intéressé à ce que je dis. Non pas dans la qualité que donne mon intérieur à ce qui est dit, mais dans la qualité que reçoit vibratoirement mon intérieur lorsque l'énergie passe par lui pour s'exprimer extérieur. Oui. Vous propulsez dans un instant ce qui passe par votre intérieur vers l'extérieur. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Parce qu'aussitôt que tu réfléchis sur ton intérieur, tu alourdis ton intérieur. Parce que ton intérieur est extrêmement léger, mais il est extrêmement subtil, il est extrêmement vibratoire. Parce qu'il est extrêmement près, ton intérieur, de ce que vous appelez votre grand moi. Mais aussitôt que tu t'intéresses à ton grand moi, tu fais vibrer ton intérieur. Comment est-ce que c'est subtil? Ouais. C'est l'ego qui veut être. Ouais. C'est subtil. C'est subtil. Pas ça l'ensemble. C'est ça demain. Toujours demain. Ce qui me donne le pouvoir de la parole, c'est le fait que je ne suis pas intéressé à mon intérieur. Si j'étais le moindrement intéressé à mon intérieur, le pouvoir de la parole arrêterait. Ou il diminuerait. Ou il prendrait des façons de s'exprimer qui se collerait contre le mur de mon intérieur. Autrement dit, mon langage, ce que je dis, serait coloré par mon intérieur. Tandis que mon langage n'est pas coloré par mon intérieur parce que mon intérieur n'est pas intéressé à rien excepté de vivre, de subir la vibration de l'extérieur qui passe en lui. De sorte que ça rend mon intérieur totalement libre, ça rend mon extérieur totalement en relation en relation vibratoire harmonieuse avec mon intérieur. Et ça permet à mon extérieur et à mon intérieur d'être unifié à l'extérieur de mon intérieur. De sorte que le rayon est suprême, la conscience intérieure reçoit et la conscience expressive canalise ce qui est reçu dans le canal interne. Et quand tu vis comme ça, tu vis très bien parce que tu es toujours allégé dans le mouvement de l'énergie du rayon. Sans ça, si t'es pas allégé dans le mouvement de l'énergie du rayon, et parce que tu vis trop de ton intérieur, le rayon il est toujours actif, et automatiquement, qu'est-ce que ça crée en toi? Ça crée éventuellement une sorte de lourdeur, une sorte de tristesse. Et c'est pour ça que l'homme spirituel, dans sa vie, vit des moments de tristesse. Et les mouvements de tristesse sont faits justement du fait que le rayon passe en lui, vibre et fait vibrer son intérieur, et l'intérieur étant subtilement accroché à lui-même au niveau du mental ou de l'émotionnel, prend la valeur du rayon et se l'attribue dans le plan mental ou dans le plan émotionnel. Autrement dit, il colore la vibration du rayon et il lui donne une sorte de qualité philosophique. Autrement dit, l'homme commence à réfléchir quelque peu sur la vie. Et dès que l'homme réfléchit sur la vie, il cesse d'être dans l'instant de sa propre immortalité. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsque l'homme commence à vivre de l'extérieur de son intérieur, il devient infini. Mais il devient infini non pas dans la dimension psychologique du terme, mais il devient infini dans la capacité vibratoire de recevoir de l'extérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et devenant infini, automatiquement, il est sans arrêt. Et étant sans arrêt, il est tout totalement est constamment dans le pouvoir. Il était constamment dans le pouvoir, il est constamment dans la vie. Il était constamment dans la vie. Il fait ce qu'il veut avec l'énergie qui lui est donnée de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que dans mon cas, je parle. Dans un autre cas, je peux faire d'autres choses. Et automatiquement, l'homme bénéficie constamment, instantanément de tous les aspects de la vie qui sont manifestés dans son intérieur, de l'extérieur, par le rayon. Si le rayon décide de faire telle chose avec lui, il le fait. Si le rayon décide de faire telle chose avec lui, il le fait. L'homme est toujours libre intérieurement, de sorte que l'homme peut être en harmonie totale avec son lui-même. Et c'est pourquoi tu ne pouvais pas le voir. Tu comprends? Parce que tu es encore trop intérieur. Si tu avais été un peu moins intérieur, peut-être que tu l'aurais vu un petit peu plus. Peut-être que tu aurais pu communiquer un petit peu plus avec lui. Mais aussitôt que tu es intérieur, tu ne peux plus communiquer avec ton être. Parce que quand tu es intérieur, tu es automatiquement affaibli dans ton amour. J'explique. Quand tu es inférieur, quand tu es intérieur, tu es affecté par ton amour. Parce que quand tu es intérieur, tu aimes. Et quand tu aimes, tu es affaibli dans ton amour. Parce que quand tu aimes, l'amour que tu as ne vient pas du rayon, mais il vient de la mémoire de l'âme. Et l'amour qui vient de la mémoire de l'âme n'est pas l'amour réel, comme il n'est pas l'intelligence réelle, comme il n'est pas la volonté réelle. Parce que l'homme n'a pas le droit à l'amour réel et à l'intelligence réelle et à la volonté réelle. L'homme n'a pas le droit. Il l'a seulement quand il est dans l'extérieur, à son intérieur. Et à ce moment-là, c'est pas qu'il en a le droit, c'est qu'il en est le préposé. Mais tant que l'homme aime, il affaiblit son amour, c'est-à-dire qu'il affaiblit son lien avec l'extérieur. Et si l'extérieur ne t'aime pas parfaitement, c'est-à-dire que si l'extérieur ne peut pas se superimposer sur ton intérieur parfaitement, il ne te permettra jamais de le voir. Parce que si tu le vois, tu ne peux pas le prendre, tu peux pas le vivre, tu peux pas l'absorber parce que ton intérieur vibrerait trop et automatiquement tu détruirais les liens d'harmonie entre ton intérieur et ton extérieur, c'est-à-dire que le canal entre le matériel et l'éther serait tellement rétréci que ta vie matérielle serait en danger. Alors dès que l'homme diminue son amour parce qu'il vit trop de l'intérieur, il diminue aussi son intelligence et sa volonté. C'est pour ça que je dis que l'homme doit apprendre à haïr la forme. Parce que je sais que quand l'homme apprend à haïr la forme, apprend à haïr la forme consciemment, mentalement, il apprend à détruire l'amour de son intérieur. Et quand l'homme apprend à haïr l'amour de son intérieur, le rayon descend en lui parce que le rayon n'a pas besoin d'être aimé pour descendre. Le rayon descend quand il est prêt à descendre. Mais si l'homme a de l'amour en lui, le rayon ne peut pas descendre parce que le rayon sait que l'amour humain est beaucoup trop faible pour l'amour cosmique. Allons-y. Alors, il est important pour l'homme de disposer de son intérieur complètement avant d'avoir accès à son extérieur. Et lorsqu'il apprend à disposer de son intérieur, c'est-à-dire à haïr la forme, à haïr toutes les formes dans son intérieur qui l'empêchent d'être extérieur à lui-même, il ne peut pas être dans son extérieur. C'est pour ça que dans l'initiation solaire, dans la fusion des initiés, il y a des périodes très longues, de très grandes souffrances qui font que, éventuellement, l'homme passe du matériel au spirituel, à la pensée pure, autrement dit, à l'extérieur. Et ce qui amène l'homme à passer de l'intérieur à l'extérieur, c'est que dans le processus de l'initiation solaire, surtout où il y a la fusion, l'énergie est tellement grande que l'intérieur se révolte. Et en se révoltant, l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toutes les formes en lui. Autrement dit, l'intérieur détruit l'amour. Et lorsque l'intérieur détruit l'amour, parce qu'il est conscient, éventuellement, le canal entre l'extérieur et l'intérieur se fait, et l'homme peut faire ce qu'il a à faire. C'est très occulte, c'est-à-dire c'est très voilé, j'aime pas le mot occulte, mais c'est très voilé. Et c'est très occulte aussi parce que c'est caché à l'homme de comprendre, quand je parle de l'homme du monde, de comprendre la nécessité de haïr la forme mentalement. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est une haine mentale, c'est une descente. C'est une descente de toute la volonté possible qu'a l'homme vers tout ce qui est en lui sentiment. Et lorsque l'homme détruit en lui le sentiment, il détruit en lui l'intérieur. Parce que l'intérieur... Écoutez bien ça. Attends un peu, il faut que j'aille aux toilettes. On va revenir. Qu'est-ce que je disais, moi? Quand tu laïs son intérieur, les formes qui contaminent son intérieur. Ouais. Mais j'ai pas de la vibration. Je vais casser les poses. Ouais, vas-y donc. Donc, on peut aimer seulement que dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer une harmonie à l'intérieur, avec l'extérieur, dans le mouvement. Donc, on peut aimer dans le mouvement. Mais avant d'aller accéder au mouvement, il faut que tu accumules une énergie. Il faut qu'il fasse exploser une enveloppe qui serait tous les sentiments que tu parles. Fait que là, pour faire exploser l'enveloppe, avant de créer un puissant mouvement, il faut que tu haïsses l'enveloppe. Ouais. Fait que tu es obligé de détruire l'amour dans le sens de te couper de l'amour un certain temps. Ouais. Pour pouvoir prendre conscience de toutes les vibrations qui te font te créer une enveloppe. Puis là, une fois que tu as accumulé suffisamment d'énergie pour faire péter l'enveloppe, à ce moment-là, tu tombes dans le mouvement parce que là, tu te projettes vers quelque chose. Tu deviens intelligent. Tu ne peux pas devenir intelligent si tu n'as pas appris à haïr la forme de l'intérieur. Parce que l'intelligence ne vient pas de l'intérieur. Elle vient de l'extérieur de l'intérieur. L'intelligence cosmique, je parle pas d'intelligence spirituelle ou d'intelligence rationnelle. L'intelligence pure vient de l'extérieur de l'intérieur. Alors l'homme est obligé de détruire cette enveloppe intérieure, et il le fait lorsqu'il se révolte, ainsi de suite, au cours de son initiation. Lorsqu'il devient comme un volcan dedans. Et à ce moment-là, là, il commence à vivre de l'extérieur, de son intérieur, et c'est là qu'il commence à canaliser cette énergie-là. Ils disent que c'est bien important de comprendre ça. Quand un homme est devenu suffisamment conscient, il vit presque quasiment tout le temps dans l'extérieur de l'intérieur. Et plus il se conscientise, plus il vit dans l'extérieur de l'intérieur. Et éventuellement, c'est le fait qu'il puisse vivre quasiment constamment dans l'extérieur de l'intérieur qu'il est capable de subir le choc de la vision et voir l'autre bord. Mais s'il a moindrement des sentiments dans son intérieur, le choc de la vision le terrasse. C'est pour ça que les anciens disaient tout le temps, quand tu vois Dieu, tu crèves. T'sais. Puis il s'agit pas de crever quand tu vois Dieu. C'est de dire comment ça va. Tu continues, tu sais. Et je dis ceci surtout pour les gens qui sont spirituels. Ceux qui sont pas spirituels, c'est moins grave. Mais ceux qui sont bien spirituels, c'est bien important de réaliser l'importance de détruire les formes, d'haïr la forme, afin de détruire ce qui constitue la prison de l'intérieur pour que vous puissiez vivre de l'extérieur, de l'intérieur, vers l'extérieur. Et si vous êtes moindrement ou trop spirituel, ça va prendre plus de temps. Autrement dit, ça prendra plus de temps pour vous d'être intelligent. Ça prendra plus de temps pour vous d'avoir une réponse à tout. Ça prendra plus de temps pour vous d'expliquer ce que vous avez expliqué. Ça prendra plus de temps à vous d'être totalement autonome dans le mental. Ça prendra plus de temps à vous d'être totalement intégré dans votre savoir, et ainsi de suite. C'est pour ça que le spectacle de l'homme, aujourd'hui, c'est un spectacle pour une personne comme moi, par exemple, qui n'est pas nécessairement facile. Parce que l'homme, surtout l'homme qui cherche, l'homme qui vit une vie intérieure, il est très beau, il est très, très bon, il a de grandes qualités, mais ce spectacle-là est difficile parce que on sait que, à un certain moment, il faut qu'il déchire cette enveloppe-là. Puis on sait que ça va le bouleverser, ou on sait que ça va être difficile, ou on sait que cette enveloppe-là a été construite pendant des années, des années, des années, des années, des années, et ça, il est alimenté, par des écoles, par des philosophies, par des ci, par des ça. jusqu'à temps qu'il soit capable de déchirer cette enveloppe-là. Pour être sûr d'être sûr. Tu lis les livres ésotériques aujourd'hui, ça parle tout de l'intérieur, puis de l'intérieur, puis de l'intérieur, puis de l'intérieur, puis de l'intérieur. Je pense qu'il n'y en a pas un livre qui parle de vivre de l'extérieur, de l'intérieur. C'est tout vivre de l'intérieur. Et même dans des livres où l'on insinue, où on explique à l'homme qu'il existe le phénomène de l'extérieur vers l'intérieur, c'est tellement spiritualisé que l'homme prend ça pour de l'intériorité. La vie impersonnelle, par exemple. La vie impersonnelle implique de vivre de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est tellement spirituel, ce livre-là, que l'homme prend cette façon-là de voir les choses comme étant de la grande intériorité. Et il ne faut pas vivre de l'intériorité, parce que l'intériorité, elle est astrale. Qu'est-ce que c'est la conscience supramentale? C'est l'extérieur. Qu'est-ce que c'est le mental? L'émotionnel, c'est l'intérieur. La conscience supramentale, c'est l'extérieur. C'est extérieur à l'homme. Ça fait partie du rayon. Est-ce qu'on peut appeler ça vivre de l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qui passe à l'intérieur? Vivre de l'expression extérieure de l'intérieur? Ça, c'est subtil. Le mot expression. Aussitôt que tu emploies le mot expression, tu... Australie? Non. Tu émotives la nature même de la mécanique du passage. Dans ce sens que tu impliques que le passage soit expressif. Le passage n'est pas expressif, il est vibratoire. Il devient expressif quand il est rendu dans l'intérieur. Mais il est vibratoire dans l'extérieur. Tout dans l'extérieur est vibratoire. Quand ça passe à l'intérieur, ça devient expressif. Quand ça sort, ça devient créatif. Alors, ce serait de vivre de... D'abord de la vibration. De la vibration. Pure et simple. Pas plus que ça. De la vibration. On peut dire de la vibration... Qui sort. De la vibration qui entre. De la vibration. Seulement de la vibration. Aussitôt que tu vis de quelque chose autre que la vibration, sur le plan mental, émotionnel ou vital, tu vis de l'intérieur. Il y en a qui peuvent vivre de l'extérieur au niveau mental, mais au niveau émotionnel, ils vont vivre de l'intérieur, puis au niveau vital, ils vont vivre de l'intérieur. Faut que t'en arrives à vivre de l'extérieur au niveau mental, émotionnel et vital. Quand t'en arrives à vivre de l'extérieur au niveau physique, mais à ce moment-là, c'est eux autres qui contrôlent ton corps. Tu t'amènes où ce que tu veux. Mais il y a une fusion tellement grande que tu ne sens pas, tu ne sens pas la différence. Mais les gens, quand les gens commencent à faire l'expérience, ou s'ils font l'expérience du pouvoir du rayon sur l'intérieur, en relation avec le corps physique, ça leur crée des chocs, ils pensent qu'ils sont possédés. Vas-y. Les gens se sentent manipulés à ce moment-là. Dans le mental, ça marche. Penser. Mais quand ça tombe dans le physique, là, tu sais, ça énerve bien du monde. Bien du monde. Non, c'est ça la fusion. La fusion, c'est qu'il rentre tout. Le mental, l'émotionnel, le vital, puis le physique. Il y a des gens qui disent, t'as bien la patience, tu parles bien longtemps dans les séminaires, tu tiens debout pendant des heures, je suis capable, je comprends, je suis pas capable de m'asseoir. Ils me tiennent debout. C'est pour ça que ça marche. Mais si je vivais à l'intérieur, je dirais qu'ils mangent la marche, mais si. Mais fuck about. Ils me tiennent debout. C'est final. Comment je voudrais m'asseoir? Ils disent pas le temps. C'est ça, vivre de l'extérieur sur l'intérieur. Et Quand tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre une chose. Il y a bien des étapes aux choses qu'on a à comprendre, mais tu commences à comprendre une chose. C'est que tu commences à comprendre que ta vie est sans importance. Ça, c'est... Quand tu commences à comprendre que ta vie est sans importance, tu commences à vivre de l'extérieur. Mais si moindrement il y a de l'importance dans ta vie, tu vis de l'intérieur. Je te donne un gros point de référence. Et ceux qui doivent faire le plus attention dans cette dans ce domaine-là, ce sont ceux qui sont les plus réceptifs intérieurement. Parce que ceux qui sont les plus réceptifs intérieurement sont ceux dont l'intérieur va vibrer le plus à l'extérieur. Ils vibrent à l'extérieur. Mais en vibrant à l'extérieur, c'est de l'intérieur qu'ils vivent et non de l'extérieur. Tu peux vibrer de l'extérieur, mais quand tu vibres de l'extérieur, tu ne dois pas vivre de l'intérieur. Si tu vis de l'intérieur quand tu vibres de l'extérieur, mais tu vas te prendre pour un autre. Moi, il faudra que je vis, que je vibre intérieurement ou que je vive intérieurement de ce que je vis extérieurement. Je me prendrai pour le Messie. Voilà ce que je veux dire? C'est subtil. C'est très subtil. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui vivent intérieurement de ce qu'ils vibrent extérieurement, souvent, puis ils viennent me voir, puis ils me disent, je sais ça, puis je sais ça, puis je sais ça, puis je sais ça, puis je le sais qu'ils savent ça, mais je sais aussi que ce qu'ils savent n'est que le fait qu'ils vivent intérieurement de l'extérieur. Et quand tu vis intérieurement de l'extérieur, que tu saches n'importe quoi, c'est de la foutaise. Parce que ce que tu sais, ça fait simplement partie de la mémoire de l'âme. Et ça m'amène à quelque chose. C'est bien subtil. Je l'aime, cette partie-là. L'homme évolue pendant des siècles. L'homme a des expériences de tout ça. L'homme aurait pu être une incarnation dans le temps des grands initiés, dans le temps des grandes constructions pyramidales. Tu sais, là, il y a des... Bon, OK. Ça reste imprimé dans l'âme, cette affaire-là. Et l'âme couleur l'intérieur. Fait que tu comprends que le rayon descend, lui, puis il fait vibrer l'intérieur. Fait que l'homme, lui, il vibre intérieurement de la mémoire de l'âme. Il vit de ça. Et il doit dépasser ça. Pour ne plus vivre de la mémoire de l'âme et ne canaliser que l'énergie. Et à ce moment-là, l'homme qu'il rencontre, ou l'humanité, ne sent plus la partie intérieure de l'ego. Parce que si vous allez dans le monde un jour et que vous parlez à des hommes et que les hommes sentent que vous vivez de votre intérieur qui est rendu vibrant de l'extérieur, les gens vont le sentir. Ils vont vous trouver bien smart, bien fin, bien intelligent, bien ci, bien ça. Mais il y aura une limite à votre pouvoir. C'est-à-dire qu'il y aura une limite à votre capacité créative. C'est-à-dire qu'il y aura une limite à engendrer sur le plan matériel une vibration cosmique supplémentaire. Mais si vous ne vivez pas de votre intérieur, vous n'avez pas infusionné pour ça. Si vous ne vivez pas de votre intérieur, que la vibration passe, les gens automatiquement sauront et devront vous écouter. Ils n'auront pas de choix. Quand on n'est pas fusionné, c'est plus difficile de ne pas vivre de notre intérieur parce qu'on n'a pas souffert autant, on n'a pas été forcé de brûler les murs, de brûler les toiles sur les murs de l'intérieur. Mais avec le temps, petit à petit, au cours des années, il s'enregistre toujours une sorte de souffrance, puis éventuellement, on les brûle. Puis éventuellement, on ne sent plus l'intérieur. Alors, il peut être totalement opaque. Moi, je sais que je peux, si je veux, apparaître comme étant le plus grand des matérialistes à bien du monde, si je veux. Il n'y a plus d'intérieur qui m'empêche de faire ce que je veux, extérieurement. Parce que supposons que le rayon a besoin que toi, tu apparaisses extérieurement comme étant matérialiste pour rencontrer un autre matérialiste. Ah, t'es disponible. Tout d'un coup, que le rayon a besoin que tu apparaisses comme étant un grand mystique à un mystique. Mais il faut que ton intérieur soit totalement vide. Sans ça, ton pouvoir de transmission du rayon, que ce soit sur le plan matériel, dans d'autres conditions, sera toujours limité. Tout le temps. Parce que les gens pourront t'identifier. Et si les gens peuvent t'identifier, tu seras toujours une cible. Pas tout de suite, mais plus tard. Les gens qui viennent d'un séminaire, qui s'en vont dans la famille, ils vivent dans l'intérieur. Là. Regardez ce que ça fait. C'est normal, parce qu'ils sont pas habitués. Mais après un certain temps, puis ils disent que il y a une intelligence dans la capacité de vivre de l'extérieur. Et il n'y a pas d'intelligence dans la capacité de vivre de l'intérieur. Où elle est diminuée, cette intelligence. Elle n'est pas parfaite. Elle est colorée à l'intérieur. Et plus vous êtes spirituel, mais plus elle est colorée. Avec l'initiation, éventuellement, ça se décolore, puis éventuellement, l'intelligence grandit. Parce qu'éventuellement, on vit dans le vide. Mais le vide est toujours rempli, nous, par l'extérieur. Je me rappelle au début de l'initiation, je disais, compte-moi non. Qu'est-ce que j'ai fait avant, au cours de l'évolution? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, 16 ans d'importance. Quand tu auras ces plans, tu regarderas. Mais quand tu reviendras ici, ça ne t'intéressera pas. Si ça ne m'intéressera pas, ça fait partie de l'intérieur. Il disait, quand on détruira tout ton intérieur, c'est pour ça qu'ils m'ont pas fait parler avant 10 ans. Que soit détruit tout l'intérieur. Tout l'intérieur. Tout brûlé l'intérieur. Quand tu n'as plus d'intérieur, t'es bien. Hein? T'as plus de limite? Hein? C'est un problème qui doit être surmonté par l'humanité aujourd'hui. Parce que je te dis que l'intérieur chez bien du monde, c'est quelque chose. Il est vrai musée. Des vrais musées. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pénible, c'est fatigant. C'est essoufflant. Il y en a qui vivent tellement à l'intérieur, ils passent le temps de courir d'une école à une autre école, d'un groupe à un autre groupe, une association à un livre. Il y a les fun, madame. Puis elle réalise pas que la réponse n'est pas dans l'intérieur. Elle est dans l'extérieur. Dans le rayon. Parce que si on vit pas, si on vit de l'intérieur, on n'a pas la capacité d'absorber toute l'intelligence du rayon. On va absorber ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. Tu penses-tu que... Moi, je suis habitué aujourd'hui, parce que ça fait quelque temps. Mais tu sais, quand t'es devant une foule de monde, comme à conférence vendredi passé, puis t'es obligé de dire au monde, la totalité des âmes dans l'univers représente le principe luciférien. Faut pas que tu vives dans ton intérieur, Chris. Tu comprends? Sais-tu pourquoi aujourd'hui que tu viens le faire? Parce que je vis pas dans mon intérieur. Ouais. Je peux dire n'importe quoi. Non, pas personnellement, mais qu'est-ce qui fait que tu veux le dire à ce moment-là? Ah, parce que c'est le temps. Le monde me connaît un petit peu plus. Là. Le fait que là, il donne un petit peu à plat. Pas que c'est naf trop. Hein. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mon ego ne l'aura jamais laissé passer. Jamais. Il y a du monde qui sont venus me voir. Ils ont dit, tu y vas pas à main douce. Ils disent que la totalité des âmes représente le principe luciférien. Hé! Hey. Tu penses que le curé n'est pas sur la radio? Asseyez-vous une minute, pensez-y, vous allez voir que... Vous autres, collègues, vous êtes là, vous asseyez, vous payez votre 10$, vous m'écoutez moins parler. Mais c'est pas vous autres qui avez le flashback, le feedback. Quand les gouvernements commencent à être étudiés, puis les églises commencent à être étudiées, puis le monde commence à être étudié, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Il bouleverse tout le monde. Alors qu'il faut pas que tu sois attaché à ton intérieur. Ça passe pas. Alors, l'intelligence ne passe pas. Autrement dit, l'homme demeure ignorant. C'est pour ça qu'on est ignorant depuis des fiables. Parce qu'on va laisser passer un ce qui fait notre affaire. Puis c'est pas ce qui fait notre affaire qu'il faut laisser passer, c'est ce qui fait pas notre affaire. Parce que c'est ça qui détruit les phares. Fait qu'il dit, c'est bien important de vivre de l'extérieur, de l'intérieur. Et de se détacher de notre intérieur. Puis il dit, c'est qu'une façon particulière de se détacher de notre intérieur. Quand on est en contact avec soit une personne qui parle de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de s'habituer à pouvoir absorber le choc vibratoire que ça crée dans l'intérieur. Tu es prêt à manger, là? Oui. Tes sandwichs? Parle encore un peu. OK. Et lorsqu'un homme vit totalement de l'extérieur, il est inépuisable. Il n'y a plus de fin en lui parce que il n'y a plus de limite en lui, parce que il n'y a plus d'émotion et d'intellect en lui qui crée son intérieur. Intellect est spiritualisé ou émotion spiritualisante, il n'y en a plus. Il ne reste plus rien. Et à ce moment-là, l'homme peut réellement servir de canal et devenir une grande richesse pour l'homme. Et quand tu as 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 hommes, un nombre d'hommes comme ça, dans différentes nations, ça fait du travail. Parce que vous savez une chose, hein? On n'est pas en position, tant qu'on est à l'intérieur de nos corps, de voir le pouvoir d'une vibration. Mais si on était en dehors de nos corps et qu'on voyait le pouvoir d'une vibration, qu'est-ce que c'est une vibration? Qu'est-ce que c'est une vibration qui est créée par le rayon dans un canal? On serait absolument abasourdi. Une vibration qui est créée par un canal, ça se tue pas. Parce que c'est totalement libre de l'intérieur. De sorte que l'intérieur, lui, qui entre en contact avec cette vibration-là, il n'y a pas de choix que de la prendre. Il peut en avoir peur. Il peut avoir du doute. Mais ça, c'est son travail intérieur qui se fait. Mais éventuellement, il n'y a pas de choix que de la prendre, parce que aussitôt qu'il y a du doute, puis aussitôt qu'il travaille en dedans, puis aussitôt qu'il se passe quelque chose en dedans, c'est là qu'il commence à recevoir le rayon. Fait que c'est un cercle spirale. C'est une spirale. Comment elle dit? C'est subtil. Quand ils disent, eux autres, que les forces de la lumière, que les forces des ténèbres, les forces de l'ignorance, ne peuvent pas empêcher la lumière, c'est ça qu'ils veulent dire. Parce que c'est parfait. La lumière, c'est parfait. Fait qu'il y ait des ténèbres, avant de rentrer prendre du temps. Mais rentre. Puis éventuellement, oups, le travail se fait à l'intérieur, puis éventuelement, pouf, le rayon descend. C'est quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, regardez les écoles ésotériques. Les écoles ésotériques qui durent depuis des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Ça, c'est des écoles ésotériques. Moi, j'aime bien ça, parler avec l'extérieur, pour une raison. Dans le fond, c'est la seule raison qu'il n'y a pas là. C'est que lorsque je parle avec l'extérieur, mon intérieur est toujours alimenté parfaitement. Alors, mon intérieur goûte toujours constamment de l'extérieur. De sorte que moi, en tant qu'individu, j'apprends toujours quelque chose si je parle avec eux autres. Puis mon intérieur est tellement libre de lui-même qu'il n'y a absolument rien d'impossible pour moi quand l'extérieur me parle. Quand il m'explique telle chose, même si ça apparaît comme de la science-fiction à l'homme qui est intérieur, pour moi, c'est bien normal. Fait qu'automatiquement, moi, mon intérieur est constamment alimenté, mais il n'est jamais coloré par lui-même. Quand je parlais de l'évolution de l'homme, l'autre fois que j'ai commencé à la conférence générale, puis j'ai dit l'homme vient sur la Terre, il est sur la Terre, il est implanté sur la Terre pour la réparation des êtres parfaits. Les frères. Qu'une connexion entre l'homme et les frères dans la galaxie. Puis que l'homme est ici parce que les autres sont rendus tellement parfaits qu'il faut qu'ils soient réparés parce que la perfection doit être amenée à un autre niveau de perfection. Ça se développe, cette affaire-là, c'est évident. Mais ça va loin, cette affaire-là. Moi, si je le canalise, cette information-là, dans un temps quelconque, il faut que mon intérieur ne taponne pas avec ce qu'il reçoit de l'extérieur. Ne le colore pas, ça. Comme ça, vous autres, vous en bénéficiez, puis moi, j'en bénéficie. Des gens, ils disent des fois, il y a quelque chose, je sens quelque chose, mais maudit, je ne sais pas quoi. Parce que l'intérieur est trop fort. Quand tu sens quelque chose, tu es supposé de le savoir. Aussitôt que tu sens quelque chose, tu es supposé de le savoir. Si je sens quelque chose parce qu'il m'envoie la vibration trop vite, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je le sais. Va rester en suspension dans la vibration de l'extérieur. Mais votre intérieur est tellement... Puis ça, vous appelez ça de l'intuition. Ça vaut pas de la merde, l'intuition. C'est une insulte. Sens quelque chose. Le gars, je sens quelque chose. Tu sais, t'es en train de parler, je sens quelque chose. Je sais pas quoi, je sens. Si tu veux savoir, avec sentir, tu sais rien, tu sens. C'est pas assez, tu sens. Mais il sent. Pourquoi? Parce que l'intérieur est trop fort. Pis il pense que c'est une qualité, c'est pas une qualité, ça dévoile. C'est une limite. Faut pas sentir, faut savoir, pis si tu sais rien, ta tête vide. Fait que moi, s'il me passe quelque chose dans la tête, Qu'est-ce que tu veux dire? Il me l'explique. Après ça, la vibration tombe, je t'en perds. Sans ça, je reste toujours dans ce sang-là. Tu sens ça, tu vas travailler, tu sens ça, tu vas pisser, tu sens ça. T'es toujours dans ce sang-là. Fatiguant. Faut que ça arrête, tu l'as su, c'est final, c'est tassé. T'avances. Il y en a qui sentent quelque chose depuis 15 ans. Imagine-toi quand tu sens quelque chose depuis 15 ans. Tu commences à puer. C'est dire? Faut arrêter de sentir, il faut savoir. Mais c'est pour ça qu'ils disent que si vous sentez quelque chose, arrangez-vous donc pour parler avec eux autres, pour qu'eux autres vous expliquent ce que vous sentez, pour détruire en vous autres l'intérieur, puis pour arrêter de sentir, commencer à savoir. Fait qu'à ce moment-là, vous avez la paix, vous sentez plus rien, mais vous allez savoir tout. Sentir, ça ne donne rien. Fatigué à sentir. Je sens, mais je peux pas. Ils disent que c'est comme un mal de ventre. C'est très mal de ventre. Des vagues toilettes. Tu restes avec ton mal de ventre. Tu restes avec ton mal de ventre pendant des heures de temps. Vagues toilettes. Faut que ça soit libéré, la vibration. On comprend pas les lois vibratoires. Quand on a une vibration à nous autres, faut qu'elle soit placée, cette vibration-là. Ou c'est ça qu'une vibration, faut qu'elle soit tassée, faut qu'elle soit cataloguée, faut qu'elle soit su, faut qu'elle soit vécue, cette vibration-là. Plus fort. Après ça, t'es en paix. Mais non. Parce que t'es débalancé, tes corps sont débalancés. L'extérieur rentre dans l'intérieur, puis les corps vivent. Parce qu'il y a trop d'intérieur. Mais quand t'as plus d'intérieur, la vibration passe pas. Quand tu le sais, t'es pas. Ben, quand tu le sais, tu le sais, une fois que c'est su, c'est passé, une fois que c'est passé. Ça te revient plus quand c'est passé.